enregistrer ça parce que ça, je vais peut-être. Pendant que tu cherches une note, je l'enregistre. On est en combien là ? 1610. Sur 2052. Il y a mes deux amis sur 2052. Comme il faut. Est-ce que t'es prêt? Je t'enregistre. Là. Là, je t'enregistre. Fais attention. Et s'il faut, je couperai l'enregistrement. En fait,